François Morel, c'est à vous. Où se situe le Père Noël sur l'échiquier politique? Ce n'est pas inintéressant de se poser la question. Cette nuit, il va débarquer chez vous. C'est toujours bien de savoir à qui on a affaire. Le Père Noël serait de gauche. Il est pour la redistribution. Le Père Noël serait de droite. Il est adepte de la tradition. Le Père Noël, il est un peu comme tout le monde, comme vous, comme moi. Il est pétri de contradictions. Le Père Noël serait écologiste. Il se déplace uniquement en traîneau tiré par des rennes. Le Père Noël serait libéral. Il est pour faire marcher le commerce. Vous me direz, le Père Noël peut avoir autant d'idées qu'il veut. De toute façon, il n'a pas le droit de vote. C'est vrai, sa situation n'est pas claire. Ce n'est pas exactement un touriste, même s'il ne vient qu'une fois par an chez nous. Ce n'est pas non plus exactement un travailleur immigré, même s'il bosse comme un chien la nuit de Noël. Il fait le travail que ne veulent pas faire les autres. Sincèrement, vous vous verriez en train de passer la nuit du réveillon à descendre dans les cheminées, à vous peler sur les toits? Non, moi non plus. Le Père Noël serait d'extrême gauche, plus précisément situationniste, et voudrait abolir la situation entre loisirs et travail, lui-même occupant ses loisirs à travailler au bien d'autrui. En cas de victoire de l'extrême droite, le Père Noël serait vraisemblablement reconduit à la frontière. Reste à savoir à quelle frontière. Son pays d'origine étant sujet à caution, habite-t-il au sud d'Oslo, au nord-ouest de Stockholm, au Groenland, au pôle Nord, en Laponie? On n'en sait rien. C'est ça le problème des solutions expéditives. Elles sont plus faciles à exprimer qu'à mettre en pratique. Le Père Noël, cependant, serait d'extrême droite. Il est un rêve pour tous ceux qui, autoritairement, veulent maîtriser les dépenses publiques au détriment des acquis sociaux. Le Père Noël accepte de travailler sans aucune compensation salariale, très au-delà de l'âge légal de départ en retraite. Le Père Noël serait macroniste. Il est pour le ruissellement. Il apporte des jouets très chers à des enfants très riches, dans l'espoir qu'un jour futur, ces jouets seront offerts à des enfants très pauvres dès qu'ils seront cassés ou hors d'usage. En résumé, le Père Noël ne veut oublier personne. Il est de gauche, de droite, écologiste, libéral, d'extrême gauche, d'extrême droite, situationniste et macroniste. J'espère qu'il pensera à vous cette nuit. Joyeux Noël. France Inter.